Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, c'est Lost in Space à 21h tapante sur les ondes du 100 FM de Radioactive. Votre rendez-vous donc pure rock, punk, musiques expérimentales, et aujourd'hui nous allons rendre hommage à un des grands champions du post-punk, j'ai nommé Marky Smith et ce groupe The Fall, groupe qui a vraisemblablement marqué la plupart des groupes de l'époque et aussi de toute la bande de petits jeunes actuels qui se mettent et qui surtout se réclament en fait de cette vague du post-punk. Donc on va avoir The Fall, on va avoir plein d'autres groupes du même genre, pour citer un de genre, même des Wires, Wild Maps, Public Image Limited, des choses un peu plus récentes aussi, et des anciennes comme les Boys Next Door, le premier groupe de Nick Cave. Et c'est parti pour plus de 2 heures. Si, comme d'habitude, les titres vous intéressent, c'est-à-dire ce qu'on a passé, vous avez 2 solutions. Soit vous êtes technophile et vous utilisez Shazam, ou soit vous l'êtes légèrement moins et vous êtes sûr en fait de ce que vous entendez, donc vous connectez sur la page de la radio. Vous avez donc les playlists systématiquement de toutes les émissions et c'est parti! Just got out of jail. You must be around. Je suis un pur. You better lay on my shirt. Mardi 21 décembre, 11h15, voiture de reportage. Notre chef nous appelle. Elle nous dégage des inondations pour l'après-midi. CH doit faire un avant-sujet sur l'affaire Testu. En effet, Bernard Tapie, l'ancien patron de Testu, doit passer le lendemain au tribunal de Béthune. CH suit l'affaire depuis le début et il est furieux contre lui-même. Il aurait dû préparer ce sujet la semaine dernière quand nous avions peu de travail. Une équipe de Paris vient nous remplacer sur le front des inondations. Elle doit assurer un sujet pour le 20h. Nous contactons l'équipe. Passé à Douai, il y a une cité qui chaque année est envahie par les eaux. Il n'y a de l'image à faire. Dans les multiples, grotesques et honteuses usurpations dont ils se sont rendus coupables, les publicitaires, après le concept et la créativité, misère des créatifs, ont jeté leur dévolu sur la ville, ses lumières et ses couleurs. La publicité embellit la ville. Voilà le genre de saleté que ces crétins barbus en tongs et à lunettes épaisses n'hésitent pas à soutenir. Ôtez la publicité et vous retournez à Berlin-Est d'avant la chute du mur, ou à Tirana. Lost in the butchers, and I am the one who stamps on all ages, from 16 to 40, over and under. I'm monolithic and the black ice on the corner. As one, as I damp on all stone, I hold all time and can induce at once. Jet trains, lead paint, stamps on border forms. Misread Easter Island, put butter on plague style, spin complete revolutions in my back and eyelid. A tree ring so that what you are after you will not ever find, with a surfeit of lumber and make you imagine the hunger bread she's spinning, dripping with butter, just 6 inches higher than your upstretched middle finger. For daring to think all science is immortal, I am the one who struck you down at once, the stretching time bracket and assuming that what is can be maladjusted, a rigid adoption of codes you've concocted. I can treat you to visits to coastal pillboxes and show you all hideous microscope thingies and hover set up in London psoriasis. Stockings, joking, 1780s. We'll be right back. La vérité est plutôt, mettez à bas les panneaux JC Deco, rendez la ville aux graffeurs, aux artistes de rue et en fait à tout le monde, et vous verrez l'explosion de formes, de couleurs, d'idées, de slogans. Qu'on ouvre des concours pour les gigantesques bâches des immeubles en travaux, pour sûr on y verra autre chose que des montres, des parfums ou des téléphones portables en 20 mètres par 10. Top of the head and off, trying to climb. Mais on ne sait pas si l'on doit en vouloir aux publicitaires. Eux-mêmes, morts-vivants, comment pourraient-ils faire la différence entre la vie vivante et la vie morte, perdue dans le faux des images marchandes ? On sait en tout cas qu'on les empêchera de nuire. Évidemment, la publicité viendra très haut dans la liste des choses à abolir. Fermeture du secteur de la publicité, voilà un exemple typique de réorientation de la division du travail. I'm an old hog. I drove a big truck, shot the pinball machine, but it brought me bad luck. If oceans was whiskey and I was a dove, I'd dive into it and never come home. I wish they'd outlaw them old pinball machines. Many weeks they have caused me to live on sardines. Last time I called my wife on the phone, the first thing she said was, John, can you come home? I've got a lot of lodgers and they've got to go. Said I'll see you when I get back from the depot. Said, John, you know I love you. I wish you wouldn't go. Send your babies some money. They're hungry, of course. The last thing she said, and then up to the depot. I was gone 2 months, cause I shut up my door. When I got home, my family was gone. The best friend I had rung my telephone. John, I guess you wonder about your babies and wife. Pneumonia got your babies and your wife took a life. I've lost all my friends, can't sleep for bad dreams. I dream about an old truck and a pinball machine. I never will forget the last words that old man said. Oh Lord, if I could live my life over. And then he fell dead, picked up an old truck. He was a quick up, young man, age of 19. But now he's in his grave, the victim of an old truck and a pinball machine. pour la première fois depuis que je la côtoyais, la superbe assurance de Louise Christoffel venait de chanceler. Pour la première aussi, nul doute, quelqu'un d'extérieur à sa cellule, laquelle était son enfant et son royaume, venait de lui apprendre quelque chose qu'elle ne savait pas, pas encore, sur les furtifs. Vous venez de sloquer mes quelques certitudes, mademoiselle, mais je ne peux que vous en remercier. Si vous y consentez, je serai ravi de vous écouter jouer de votre olifant dans notre grotte et d'apprécier ensemble comment nos furtives réagiront. If ever an angel fell, Jezebel, it was you. Jezebel, it was you. If ever a pair of eyes promised paradise, was you. If ever the devil's plan was made to torment man, it was you, Jezebel, it was you. 'Twould be better had I never known a lover such as you, forsaking dreams and all for the silent call of your arms. Like a demon you possessed me, you obsessed me constantly. What evil scar is mine that my fate's design was you. If ever the devil's plan was made to torment man, it was you. Night and day, every way. 10 years to realize why the angels start to cry. When you go home down the lane, your happy smile, your funny name. I'm not being mean, so don't take it hard. When I ask you to run around the yard, it's so hopeless to define why you jump to close the blinds. You know I'd help you if I could, but my arms are made of wood. Just don't mean the things I say. It's only 'cause you're made that way. Sorry for laughing. There's too much happening. Sorry for laughing. There's too much happening. Charles Atlas, he starts to frown, 'cause he's not made like me and you. Just can't do the things we do. No, it's times like these you have to pay. So sorry to turn on that way. En redescendant vers l'hostellerie de la Sainte-Baume, à travers la forêt relique, je n'avais pas lâché Louise jusqu'à ce que je comprenne. Non, les furtifs ne saisissaient pas forcément le sens de ce qu'ils disaient. De tous les enregistrements collectés et analysés par la cellule, il ressortait des interprétations divergentes et équivoques. Pour le Finlandais Björn, par exemple, les furtifs jouaient avec nos syllabes comme ils copiaient des chants d'oiseaux, remixer des boops de grenouilles ou intégrer des sirènes de police à leur vocalisation. C'était de l'expressionnisme ludique et foisonnant, une sorte de délice physique de dire, de répéter, de tester les sonances, comme peuvent l'avoir les enfants qui entrent dans la parole. Ça pouvait donner l'impression d'un sens parce qu'on y injectait, nous humains, nos intentionnalités, notre animisme, face à des furtifs qui réussissaient à bricoler avec brio des segments de phrases que nous avions prononcés et en qui elles-mêmes disaient déjà des choses. Let her go. He ain't been like body get things done. Drinks his beer like it's oxygen. Here's my baby. Jokes are corny. Convict movies make her horny. She likes ketchup on her scrambled eggs. Swears like a sailor when she shaves her legs. She takes a licking and keeps on ticking. She takes a licking. I'm never gonna let her go. He's got more balls than a big brass monkey. A wack out widow and a love bug junkie. Sly as a fox, crazy as a loon. Payday comes and he's a howling at the moon. He's my baby, I don't mean maybe. He's my baby and I'm his honey. He's my baby, I'm his honey. He's my baby, I'm never gonna let him go. We'll end up sitting on a rainbow. Against all odds, honey, we're the big door prize. And we're gonna spite our noses right off of our faces. There won't be nothing but big old hearts dancing in our eyes. She's my baby. Yeah. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Don't get stuck in the past. Say your favorite things at mass. Tell your mother that you love her. I go out of your way for others. Sit beneath the light that suits you and look forward to a brighter future. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Sink as far down as you could be pulled up. Happiness really ain't all about luck. Let your demeanor be your deep down self. And don't sacrifice your life for your health. When you speak, speak sincere. And believe me friend, everyone will hear. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Never borrow them from someone else. Buy yourself a flower every hundredth hour. Throw your hair down from your lonely terror. And if you find yourself in the family way, give the kid more than what you got in your day. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Tell you what you got time for. It only goes around, goes around, goes around. Take a family name for your own great sins. Cause each day is where it all begins. And don't give up too quick. You only get one line, you better make it stick. If you give ourselves to every breath, then we're all in the runner for a hero's death. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Pour Akima, au contraire, poursuivait Louise, les furtives n'avaient rien de singe savant. Elles étaient tout à fait conscientes que nos mots et leurs mots avaient une signification. Si ce n'est que cette signification était pour elles polysémique, ample, variable, susceptible donc de prendre des sens bien plus vastes que pour nous, plus riches si l'on veut. Sa théorie, que je trouvais très séduisante, était qu'il fallait envisager la parole furtive et sa littérature exactement de la même façon que leur biologie et leur physique, à savoir comme un champ métamorphique à haute teneur en vitalité. La parole était pour elles aussi vivante et fluctuante que leur corps. Communiquer n'était pas transmettre de l'information à un interlocuteur, humain ou furtif, c'était transmettre une transformation. Des inflexions, un vecteur de mutation, un bourgeonnement, un virus. Akima en voulait pour preuve les torsions imprimées au préfixe et au suffixe, le camailleux des conjugaisons, le dynamitage des articles et des pronoms, les jeux éblouissants avec les assonances, les anagrammes, les consonances, les onomatopées, la syntaxe. Leur côté agrammatical aussi, qu'elle lisait comme une licence poétique des furtifs. Pour elle, il ne faisait aucun doute que des furtives nous étaient supérieures en plasticité intellectuelle, si bien qu'elle passait la plupart de ses journées à translittérer les laisses entendues et a plongé dans le Sui Kembuk pour décompacter le moindre mot gravé sur une dalle jusqu'à en extraire le sens caché. Aux oreilles de Louise, le travail arachnéen d'Akima avait des accents de folie, quoique soutenu par une telle rigueur de chercheuse, une telle obstination technique qu'il était en droit impossible d'affirmer qu'elle n'avait pas raison. L'affinement quotidien des échanges, avec notamment Nazifluence et le collectif CR, convertissait avec lenteur Louise aux thèses de sa collègue et compagne. Elle ne savait plus si sa résistance, encore forte, venait d'un orgueil spéciste mal placé ou s'appuyait objectivement sur la confusion du babil furtif. Oh, what is this rubbish? Change it over. Hey, look at these two. Well, this looks pretty serious, actually. Should we do something? Put another hole in your paycheck. Are you done digging your grave yet? Put another hole in your paycheck. Are you done digging your grave? Put another hole in your paycheck. Are you done digging your grave yet? Put another hole in your paycheck. Are you done? You're dead already. Are you done digging your grave? What? Put another hole in your paycheck. Are you done digging your grave yet? Put another hole in your paycheck. Are you quite done? You're dead already. Cheer up, London. It's really, really not that treasure of deadly cargo is spent in alien dad dropping lethal cargo on the ship. It's been taken. moi, dont toute l'obsession tenait sur les deux lettres d'un tas inscrites sur le mur de la chambre de ma fille, supposait que les furtifs répugnaient à la monosémie, pire qu'il y avait toutes les chances que ce mot puisse signifier des centaines de choses très divergentes, supposer ça ne faisait que maximiser mon anxiété. Louise eut cette gentillesse de tenter de me rassurer alors que nous atteignions l'hostellerie, bourrée de touristes religieux à cette heure. How is the Marchioness? Still playing Alice in Rubberland? Rubber people are lovely people. They long for latex beside their skin. Feel they get for a sheet of rubber. The strength you get from a support chin. Those rubber people are charming people. Their taste produce quite a bizarre dish. Not a steak or a private table, but a rubber mat with its rubber swish. Rubber boots, rubber cap, rubber mask, rubber head, rubber cap, rubber sheet, rubber doll, rubber bed. Rubber people, rubber people. Rubber boots, rubber cap, rubber mask, rubber head, rubber cap, rubber sheet, rubber doll, rubber bed. Rubber people, rubber people. Oh, rubber people are lovely people. A hook in the ceiling, a nice strong gag, nicely wrapped and strapped. They be powdered, then tied up in a rubber bag. Those rubber people are lovely people. Just how rubbery can you get? They just love those rubber rhythms. Ever since that first bed went. Rubber boots, rubber cap, rubber mask, rubber head, rubber cap, rubber sheet, rubber doll, rubber bed. Rubber people, rubber people. Rubber boots, rubber cap, rubber mask, rubber head, rubber cap, rubber sheet, rubber doll, rubber bed. Rubber people, rubber people, okay. Rubber people. Goggles take care of your vision. Earplugs will not let you hear. So you lie there so still and helpless in your rubber atmosphere. Rubber boots, rubber cap, rubber mask, rubber head, rubber cap, rubber sheet, rubber doll, rubber bed. Rubber people, rubber people. Rubber boots, rubber cap, rubber mask, rubber head, rubber cap, rubber sheet, rubber doll, rubber bed. Rubber people. Circling, bound in bondage, at least until this treatment ends. Spanked in satin, whipped in Wigan, for they are our better friends. Rubber boots, rubber cap, rubber mask, rubber head, cap, rubber sheet, rubber doll, rubber bed. Rubber people, rubber people. Thank you. listening to us. It's your first time out. Thank you very much. You've been a great audience. Thanks. Mais il y a un problème. Jim Thorpe, la fierté de la nation des Sauk and Fox, deux tribus amérindiennes d'Oklahoma, n'a jamais de son vivant mis les pieds dans ce patelin avant d'y être inhumé en grande pompe en 1953. À l'instigation de sa troisième épouse, au terme d'un contrat mystérieux avec la municipalité de l'époque. Et pour tout dire, ce nom glorieux n'a pas fait que le bonheur des administrés. Accablé de procès pendant 6 ans à partir de 2010 par la famille et la tribu du champion, décidé à ramener son corps et son esprit dans son berceau de Shawnee au cœur des plaines d'Oklahoma. life. Too much apple pie. And now Harry's walked away with Johnny's wife. You've gotta pick some people up. You've gotta let some people go. But if Lee's name just come up, oh well, I really want to know. Because everybody loves the TV show Lost Soul of Old Life. Too much apple pie. Oh, have you lost Soul of Old Life? Too much apple pie. And now Harry's walked away with Johnny's wife. Rich, yeah, can you dig it? one video. This is two. The granny farmer. He was infamous for 15 minutes and he appeared on Panorama. Then he somehow got himself on board the Starship Enterprise allowance scheme with a Prince of Wales award for pushing Valium and amphetamine. Behind Nicholas Van What's-His-Face, at 6'6" and 100 tons, the undisputed king of the slums, with more aliases than Klaus Barbie, the master butcher of Leon C, just about to take the stage, the one and only, hold the front page. Fat Man's got something to sell to the capital's homeless, at the Crossroads Motel, for the no-fixed abodes, where you can live life in style, you can sleep in a closet. If you flash him a smile, he'll take your teeth as deposit. There's bats in the belfry, the windows are jammed, the toilets ain't healthy, he don't give a damn. Just chuckles and smiles, and laughs like a madman, a born again rock man. Here comes Sheriff Batman with his Valium, amphetamines, sick notes in his phony prescriptions. And just when you thought it was safe, you go back to the kitchen. Dead legs and cracked heads, bunk beds and breakfast. Wake up, you sleepy head, take this. Check this. Moving up on second base behind Nicholas Van What's-His-Face. At 6'6" and 100 tons, the undisputed king of the slums, more aliases than Klaus Barbie, the master butcher of Leon C, just about to take the stage, the one and only hold the front page. Moving up now to take the place, Nicholas Van What's-His-Face. 6'6" and 100 tons, the undisputed king of the slums, more aliases than Klaus Barbie, the master butcher of Leon C, in a hat back from Notre Dame, the one and only Sheriff Batman. In goes another lamb's hook, and now I'm losing my patience. Someone call on Roger Cook and the United Nations. He's buying up houses for the has-beens and healthy, from Land's End to Southend to Chelsea. It's back to the Bowery, the windows are jammed, the toilets ain't healthy and I don't give a damn. Struggle and smile, laughs like a madman. Ladies and gentlemen, I give you Sheriff. Mike Sofranco, le maire de Jim Thorpe, accueille le visiteur avec suspicion et lassitude dans l'un des petits bureaux du Jim Thorpe Police Department. Inquiet d'avoir à revisiter des années de litige, de recours en appel devant toutes les instances fédérales. L'affaire s'est conclue à notre avantage en 2015 quand la Cour suprême des États-Unis a refusé d'entendre le dernier recours de la nation Sauk & Fox, soupire-t-il. Je les respecte, mais il y allait aussi notre identité. Qu'allais-je dire aux gosses de l'équipe de football locale qui s'appelle les Olympians depuis 60 ans et à mes 5000 administrés, les Torpians. Leur nom aurait perdu tout leur sens. Sofranco se souvient du jour où, entre deux haies d'avocats, il avait rencontré pour de vaines tractations Bill et Richard Thorpe, deux des 8 enfants fruits des 3 mariages du héros. J'étais fasciné par leur ressemblance avec leur père, par leur carrure et leur présence, reconnaît-il. J'ai essayé d'expliquer que nous avions droit à sa mémoire, que c'était l'athlète et non l'Indien que nous célébrons ici. Le message est mal passé. Jim Thorpe, né en 1887 dans une cabane branlante de Shawnee, quand l'Oklahoma n'était pas encore un État mais une immense réserve indienne, n'aurait sans doute pas connu la célébrité s'il n'avait été contraint à l'exil comme des milliers d'autres enfants de tribus. Les tuteurs blancs de l'État fédéral n'avaient de cesse de les rééduquer, d'éradiquer leur atavisme indigène et leur culture en les envoyant en tout point du pays dans des écoles spéciales aux allures de camps disciplinaires. En 1907, à l'école technique de Carlisle en Pennsylvanie, le jeune Thorpe trouve un exutoire dans le football, suppliant le coach légendaire Pop Warner de l'admettre dans l'équipe des Carlisle Indians. On lui donne sa chance. La même année, son club inflige une raclée historique 26-6 au Hobro Dupen. Sit down, chin up, pipe down, sock, sock. televised mine. That's a televised mine. Swipe your thoughts from Broadway. Certain ideas of cabaret. What are dreams of yesterday? Far behind. Are your laughter pissed away? Are your sadness pissed away? Now you don't care what they say. Nor do I. That's a televised mind. That's a televised mind. That's a televised mind. That's a televised mind. That's a televised mind. That's a televised mind. Les sélectionneurs appliquent bientôt, intrigués par le génie du jeu de ce balèze de 1m85, deux fois lauréat All-American pendant sa scolarité. L'étudiant qui sèche parfois les cours pendant des semaines pour travailler dans les fermes, s'essaie ensuite au baseball, jouant contre salaire pour la East Carolina League, avant de retrouver à Carlisle l'équipe d'athlétisme pour préparer les sélections aux Jeux Olympiques. À Stockholm en 1912, l'athlète le plus éclectique de l'histoire américaine ne se contente pas d'arracher un record au décathlon avec 8412 points. Il sculpte sa mythologie aux mesures du rêve américain. Découvrant un quart d'heure avant l'épreuve que ses chaussures ont disparu de son sac, il en trouve deux, dépareillées, dont l'une dans une poubelle, et remporte la compétition. De retour à New York, début août, lors de la triomphale Ticker Tape, parade offerte à l'équipe américaine, la foule hurle son nom. La célébrité a un prix. Dès janvier 1913, un journal révèle que Thorpe a joué au baseball en tant que professionnel pour quelques dollars par match avant sa sélection pour les JO. La Ligue olympique, harcelée par la presse, se trouve contrainte de sanctionner cette violation du statut amateur. Malgré ses lettres de supplication, ses médailles lui sont retirées. L'athlète sera réhabilité en 1983. Jim Thorpe est sous le choc. We'll be right back. L'ancien poulbeau de la réserve de Shawnee gagne au moins dans l'affaire l'attention des clubs professionnels. Les New York Giants, l'équipe reine du baseball de l'époque, l'embauchent et l'embarquent comme vedette d'un tour du monde qui le mène du Caire au Vatican en passant par Londres, où il joue devant 20 000 spectateurs, dont le roi George V. Côté football américain, il émerge aussi dès 1905 pour un salaire mirifique chez les Bulldogs de Canton dans l'Ohio, traversant bientôt, ballon en val en main, les folles années 20 et les stades de 6 clubs de la NFL. Il prend sa retraite à 41 ans en 1928. L'année suivante, le grand crack boursier dévaste l'Amérique. Dans un pays exsangue, la star peine à trouver ses marques et une reconversion professionnelle. Si sa célébrité déclinante lui vaut des apparitions dans une dizaine de films des années 30, dont une figuration comme Bado apeuré devant l'Empire State Building dans le premier King Kong, sa vie à la ville n'a plus rien de glamour. Plaqué par sa première femme, Eva, en 1925, il divorce de Frida, la deuxième, en 1941, avant d'épouser 4 ans plus tard Patsy, une hôtesse de bar, fantasque portée sur la bouteille. À la fin des années 40, les journaux les débusquent dans un lotissement de mobilhomes. Alcoolique comme Patsy, ruiné par les frais médicaux dus à un cancer de la lèvre, Jim gagne sa vie en creusant des fossés pour la voirie d'une banlieue de San Diego en Californie. Est-ce que t'es